cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Intahayna wa lillahi alhamd min al-asli al-thani. Ma'rifatu din l'islam bil-adilla. Et Cheikh l'islam, il nous a démontré, en se basant sur le hadith, anna hadha ad-din, din l'islam, il est fondé sur trois maratib, trois degrés, trois niveaux. Al-islam, et wal-iman, wal-ihsan. Et chaque martaba, elle a des piliers. Arkanul islam, khamsa, on les a vus. Arkanul iman, sitta, les six piliers de la voie, on les a vus. Kadhalik. Et al-ihsan, ruknun wahid, an ta'budallah ka annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yaraka azza wa jal. Fahada khulasat hadha al-asl, c'est un asl muhim. Walillahi alhamd, vous l'avez récité au début du dars. On commence al-aslu al-thalith. Qala Sheikh al-Islam, al-aslu al-thalith, ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraysh, wa Quraysh min al-Arab, wa al-Arab min dhurriyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alayhi wa ala nabiyina أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة أي il est mort عليه الصلاة والسلام et il avait 63 سنة 63 ans. قال منها 40 قبل النبوة و 23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ إلى آخره. Ce أصل العظيم معرفة نبينا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque musulman, il doit donner de l'importance à ce asr. Pourquoi? Parce que ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, awwalan, croire en lui, ça fait partie de l'iman, comme on l'a vu dans Arkan al-Iman al-Sitt. Croire en lui, c'est-à-dire que c'est un rasoul, min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour appeler à l'islam, dinul haqq. L'islam, c'est al-tawhid. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الله il l'a envoyé pour appeler au tawhid et mettre en garde contre le shirk. Et c'est ça la compréhension ou le sens de la shahada qu'on doit prononcer pour rentrer dans l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Enfin, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم c'est un nabi, un rasoul que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé pour nous montrer hadith. Ce troisième fondement, al-asl al-thalith, il est muhim pour le musulman. Il doit connaître c'est qui son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il doit connaître un minimum de sa biographie. C'est qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il est né où? Ses enfants, ses épouses, le jihad qu'il a fait, le temps qu'il a donné, les sacrifices qu'il a fait, al-hijra. Il a quitté Mecca pour Médina. Et tout ce qui est lié à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que en tant que musulman, t'es obligé d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'es obligé de le respecter. T'es obligé de le suivre. Et cet amour, ce suivi, ce respect, tout ça, c'est fondé sur l'ilm. Il y en a, si t'aimes quelqu'un, tu dois le connaître. Et si t'es ordonné de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Amr Allah Azza wa Jal fait le Coran ou le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fait le Sunnah, tu dois connaître comment tu vas suivre une chose que tu ignores. Na'am, fa min hadha al-bab, vous connaissez et vous avez déjà vu, anna ba'd an-nas, comme ils disent, ils sont fans d'un joueur de foot ou d'un chanteur ou d'un acteur. Et tu le trouves, sa vie, elle est fondée, elle est basée sur cet amour de ce fasiq. Rubbama c'est un kafir billahi Azza wa Jal. Lakin, tellement qu'il l'aime, il veut le suivre. Il fait des études, il a fait telle chose, il est né là, il est sorti, il le suit. Tout ça par amour. Nous, cet amour, c'est une ibadah. Et nous, cet amour, c'est envers Afdal An-Nas, alayhi salatu wassalam. Ana Sayyidun Nas, yawm al-qiyama wala fakhr, hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour qu'on a, ce suivi, ce respect, c'est au meilleur des êtres humains, le meilleur des messagers, des prophètes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit donner du temps à hadha. Kadhalik, on doit éduquer nos enfants à la hadha. Allez, l'asaf, tu trouves ba'd al-muslimin, on ne parle pas des kafaras. Amal kuffar, ils sont ba'id. On parle ba'd al-muslimin, pour endormir son enfant la nuit, pour que son enfant y dorme, il lui lit des histoires, khurafat, ou, wal'iyadu billah, des films, des DVD, des dessins animés. Toute la jeunesse de cet enfant, elle est fait de zaya. Et cet enfant, et vous savez très bien que cette marhala, cette étape, l'enfance, et de la naissance, Thomas, il commence à marcher, Thomas, il commence à parler, Thomas, il commence à comprendre. Jusqu'à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, jusqu'à qu'il atteint la puberté, c'est une étape très importante. Si cette étape, elle est fondée sur la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la biographie des compagnons, l'amour des compagnons, Inch'Allah, cet enfant, il sera à la khayr, il aura des fondements, il aura des bases, et ça lui restera toute sa vie. Toute sa vie, ça lui restera. L'imam Ali Anna, il a été éduqué sur cette base solide. Al-aslu thalith ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfant, hakada ala al-fitra, ils aiment écouter la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on conseille, nahnu, t'as pas besoin de vidéo fi hada, t'as pas besoin de kalam farigh. Là, mitl hada al-asl que Cheikh l'Islam il a cité avec un charh basit, tayyib. Ou une biographie mukhtasara. Ka mukhtasar al-sira li Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab. C'est un kitab tayyib. Sahl. Et chaque jour, tu lis un passage pour toi, awalan. Kadhalik, si tu as compris, t'explique à ton enfant, inshallah, yakun khayr. Hatta cette umma, elle est fondée, elle est basée sur le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui vient et qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on saura que c'est batil. Amma l'an, certains yata'assaboun li baladihim, l'unsuriya. Certains l'an, ils sont entêtés à suivre leur pays. Na'an, nationalisme. D'autres à suivre un madhab. Ta'assob. Voilà aussi, le khata, il est clair. D'autres un shir. Voilà aussi, ils se trompent. D'autres la majorité. D'autres, wal'iyadu billahi, c'est plus grave, al-kuffar. Tout ça pourquoi? Parce que ce fondement, il n'est pas compris. Ce fondement, il n'est pas maîtrisé. Nahnu naqra hada al-asl al-muhim. Avec le shirh de Cheikh Ibn Baz, inshallah, yakun khayr. Qala Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz. رحمه الله هذا هو الأصل الثالث وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمره الله بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها أولا سوى النعمة reconnaissance les hadith ni'ma. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé? Comme a dit Cheikh Abdul Aziz rahmatullah alayhi, pour te montrer ton dîn, pour te montrer comment adorer Allah azza wa jalla. Enfin, si tu donnes pas d'importance à connaître, tu donnes pas d'importance à ce messager que Allah il a envoyé. Et ça c'est un bab, il est khatir. C'est un bab, il est khatir jiddan. Et nous on donne d'importance. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé ce messager pour ton bien. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Cheikh Abdul Aziz, il va citer des adillah. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ce messager. C'est une rahma. Une rahma pour l'alamin. Et pour toutes les créatures. Fa'ala hadha, on doit faire des efforts et savoir pourquoi il a interdit cette chose, pourquoi il a autorisé cette chose. Est-ce qu'il a autorisé telle chose? Est-ce qu'il a fait salat comme ça? Est-ce qu'il a adoré Allah comme ça? C'est un exemple. Amma une prononciation. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pas d'effort dans l'ibada, pas d'effort dans le tawhid, pas d'effort dans le suivi. Mais l'haqiqa, ce n'est pas mujarrad une prononciation. Il faut prononcer, lakin tu prononces a'zam al-kalam. La shahada, c'est la parole la plus importante, la plus bénéfique, la plus profitable. Qala Cheikh Abdul Aziz, hadha an-nabi huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khatim al-anbiya. Awalan, tu dois savoir annahu c'est khatim al-anbiya. أي يقعد نبي أبخلوي قال ورسول الله لهذه الأمة من الجن والإنس من هذه الأمة ça veut pas dire que c'est que pour les musulmans là pour le bachar tous le prophète sallam il a été envoyé à tout le monde comme il va citer les adillah sur Abdul Aziz que ça soit le djinn ou l'ins tout le monde doit le suivre donc t'as cette conviction cette aqida أنه c'est le dernier des prophètes pas de prophète après lui. كذلك c'est un rasoul min Allah pour tout le monde. قال أرسله الله للناس جميعا. Donc pas comme certains y pensent, والعياذ بالله أنهم يقولون vous avez votre messager Muhammad et nous on a notre messager Isa et les juifs ils ont leur messager Moussa. هذا c'est باطل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été envoyé pour tous. Et la religion, le dîn de Moussa, c'est le dîn de Isa. Et le dîn de Isa, c'est le dîn du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Anbiya, ils ont tous le même dîn. Celui qui croit en Moussa ou en Isa, ou aux deux, et ne croit pas en notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un musulman, c'est un kafir. Et ça, c'est important. قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ça, kalamullah. Celui qui a envoyé Isa, c'est celui qui a envoyé Moussa, c'est Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il a envoyé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khatam al-Anbiya, pour jami' al-alam. Tout le monde doit le suivre. Qala wa qala subhanahu wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bashiran wa nadhira. Bashiran, ça vient de le bushra, pour annoncer la bonne nouvelle. Et celui qui le suit, il ira fil jannah. Celui qui croit en lui et qui applique son din, il rentrera fil jannah. Celui qui croit en lui et qui le suit, c'est un musulman. Wa nadhira, ay pour t'avertir contre un châtiment douloureux, adhabun alim. Ay celui qui obéit pas à ce messager, celui qui croit pas en ce messager, il est à la khatar. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tu comprends le hein? Anna, c'est pas qu'une étiquette, une simple appartenance. Je suis un musulman, je crois au prophète Mohammed, et ça s'arrête là. Là, c'est une aqida, c'est un manhaj. C'est des ordres à suivre, des interdictions à s'écarter. Tu dois l'aimer plus que tout. Tu dois détester ceux qui le détestent. قَالَ فَإِسْمُهُ مُحَمَّدْ وَإِسْمُهُ أَحْمَدْ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَإِسْمُهُ الْحَاشِرْ وَالْمَاحِي والمقفي لأنه خاتم الأنبياء وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. Tout ça, c'est des noms qui sont cités في السنة du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. قال هذه كلها أسماؤه عليه الصلاة والسلام لكن أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد الذي سماه به أهله. نعم أو سماه به أهله. أما sa mère, elle l'a appelé Muhammad. Et dans le Coran, il est appelé Muhammad. كذلك Ahmed. Muhammadun Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارُ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمُ الْآيَةِ. قال وجاء به القرآن قال تعالى محمدٌ رسول الله وهكذا أحمد كما بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال فهو محمد وأبوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلب. Donc son père il s'appelle Abdullah et son grand-père il s'appelle عبد المطلب. فسي محمد son nom c'est محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قال وعبد المطلب لقب وإلا فاسمه شيبة. عبد المطلب c'est un لقب, le surnom de son grand-père. وإلا le nom de son grand-père قال c'est شيبة. وأبو جده اسمه هاشم. Le père de son grand-père, donc l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hashim. C'est pour ça que la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelait Banu Hashim. Al-Hashimi, ils disent l'an. Et ceux qui descendent de cet ancêtre, Hashim. قال وهو سيد من سادات قريش كما أن عبد المطلب كذلك. نعم. Tout cela, c'est des. Ils viennent de la tribu de Quraysh. قال وهاشم من قريش. قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب. C'est la meilleure des tribus. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vient de cette tribu. لأنه c'est أفضل الناس نسبا. نعم, il a la meilleure il a les meilleurs ancêtres عليه الصلاة والسلام. Et sa tribu c'est أفضل القبائل. والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم وهم أفضل قريش. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم il descend de هاشم et il fait partie de Quraysh. قال واسمه واسمه فهر أو فهر ابن مالك وقيل قريش هو النضر ابن كنانة جد فهر ابن مالك. نعم. Cheikh Abdelaziz il cite des fawa'id, des points par rapport aux ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur nom. قال وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح. Et le Coran il est descendu avec cette langue, l'ouqat Quraysh. قال فهي أكثر عروبة من قحطان ولهذا يقال لهم العرب العاربة والعرب المستعربة وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. Ils font partie de la descendance de Ismaïl, le fils de Ibrahim. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un descendant du prophète Ibrahim. On revient au matn. قال شيخ الإسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و 23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ. Et ça c'est important. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu 63 ans. 40 ans avant la révélation. Il est né jusqu'à 40 ans. C'était pas un Nabi, c'était pas un Rasoul. Thumma, il a reçu la révélation à partir de 40 ans. Nubbi'a bi'iqra. Et le premier verset qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, min surati al-alaq, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Qala Cheikh Abdel Aziz, wa hadha an-nabi al-azim huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, nubbi'a bi'iqra. Nubbi'a, et c'est devenu un Nabi avec ce verset. Iqra, et il a reçu la révélation min Allah. Et celui qui reçoit la révélation min Allah, c'est un Nabi. قال فأول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق وصار بها نبينا وصار بها نبيا. أي c'est devenu un prophète avec ce verset. وقال أتاه جبريل وهو في الغار غار حراء فأقرأه هذه السورة. والقصة معروفة. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل في غار حراء. نعم لأن son قوم يزادوغي الأوثان. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم il détestait هذا. Il détestait adorer autre qu'Allah. Fait il se recueillait dans هذا الغار, cette grotte حراء. Et Jibril, la première fois qu'il est descendu sur le prophète صلى الله عليه وسلم pour lui révéler, pour la révélation, le prophète صلى الله عليه وسلم il était dans cette grotte حراء. Et le premier verset qu'il lui a révélé, اقرأ بسم ربك الذي خلق. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans cette grotte, ça ne veut pas dire que on doit la visiter. Voilà, ça ne fait pas partie de manhaj al-sahaba. Al-sahaba radiyallahu anhum, ils ne visitaient pas cette grotte. Adorer Allah dans cette grotte, ça ne fait pas partie de sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation et il a commencé à faire ta'wa à Mecca et à Al-Medina, il n'est jamais retourné dans cette grotte. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est retiré, lien à son qawm, il pouvait lui faire du mal. Il voulait lui faire du mal. La preuve, il a fait la hijra. Il a délaissé Mecca. A enta, t'appliques ton din, l'an, walillahi l'hamd, t'as pas besoin de te retirer dans cette grotte ou autre. Ça, c'est pas min tariqati ahli sunnati fi shay. Qala, Cheikh al-Islam, wa ursila bil muddathir. C'est devenu un nabi, bi iqra. Et il a reçu la révélation wa ursila bil muddathir. Et il s'est devenu un rasoul bil muddathir. Qala wa biladuhu Makkah. Et Makkah c'est afdal al-biqa. C'est le meilleur endroit sur terre, c'est Makkah. Enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des êtres humains. Sa qabila, sa tribu, c'est la meilleure des tribus et son bilad c'est le meilleur des bilads, Makkah. Qala ba'athahu Allah bin nadar 'an ash-shirk. C'est ça le but de ta'wa. Et ça c'est important. Pourquoi on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on l'aime? Non, on l'aime par rapport à son statut. C'est un prophète, c'est un rasoul. Enfin, ça doit impliquer qu'on doit connaître le but. Pourquoi il est venu? C'est quoi son message? Son message, c'est de mettre en garde contre shirk et appeler au tawhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Hakada kana yaqul alayhi salatu wasalam. Qala wa yad'u ila tawhid wa dalil qawluhu ta'ala ya ayyuha al-muddathir. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. آيات عظيمة. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك. الله سبحانه وتعالى سأن ordre à son messager قم فأنذر. أي lève-toi et avertis-les. Avertis-les de quoi? قال الشيخ بن باز أو قال شيخ الإسلام ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. et les avertit contre shirk et les appelle au tawhid. Donc la première chose qu'on doit comprendre de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est hada. Annahu, il a été envoyé pour mettre en garde contre shirk. Et shirk, c'est l'adoration de autre qu'Allah, même si ce mushrik il adore Allah, s'il adore un autre, c'est un mushrik. Et quel que soit cet autre, que ce soit un arbre, une pierre, le soleil, un nabi, un wali, un ange, tout ça c'est haram. Wa'budullah, wa la tushriku bihi shay'an. Et on l'a vu dans les dourous précédents. Wa yad'u ila tawhid, wa rabbaka fakabbir, azzimhu bi tawhid. Kadhalik, ce messager sallallahu alayhi wa sallam, il te montre que tu dois azzim Allah azza wa jalla. Aïe, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle passe avant tout. C'est pour ça que fi salat tu dis Allahu akbar. Donc tu ne dois pas faire passer la démocratie avant dinillah. Tu ne dois pas faire passer la laïcité avant dinillah. Tu ne dois pas faire passer la vie des gens avant al-wahi. Tu ne dois pas faire essayer de satisfaire a'da'ullah avant de suivre al-Qur'an wa sunnah. Wa rabbaka fakabbir. Fadinullah il est a'zam. Qala wa thiyabaka fatahhir. Ay tahhir a'malaka 'an ash-shirk. Comme tu purifies tes vêtements 'an an-najasa. هكذا المسلم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أعظم طهارة ستطهر أعمال عن الشرك لأن الشرك سأنلتو كما أن النجاسة لنل الطهارة أي celui qui annule ses ablutions طهارته avec un عقد من نواقد الوضوء إلى هيتو طوالت etc. فهكذا الشرك سأنل جميع الأعمال كما أخبر الله عز وجل إن أشركت لا يحبطن عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Donc fais attention, comme tu fais attention de ne pas te souiller avec une najasa, fais attention de ne pas annuler tes أعمال avec الشرك. قال عز وجل وثيابك فطهر. قال والرجز فهجر. الرجز الأصنام. وهجرها أي تركها وأهلها. Comme tu délaisses un shirk, tu dois délaisser et détester Ahlul Shirk. C'est ça, dit nous l'islam. Et c'est ça, les fondements de la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout le mal qu'ils lui ont fait, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté, ils l'ont accusé, ils l'ont chassé, mais le Mecca, tout ça c'est pour rapport à cet appel au tawhid. Nos enfants et les musulmans, on doit les éduquer sur ça. Détester le shirk et détester le mushrik. Aimer le tawhid et aimer le mouhid. Enfin, le mizan, c'est ça. Tawhid ou shirk. Celui qui a tawhid, qui suit notre prophète Mohammed, on l'aime. Et c'est un wali min awliya illah. Celui qui déteste le tawhid, qui fait du shirk, qui déteste notre prophète qui ne le suit pas, c'est un mujrim. C'est un adou min a'da illah. C'est ça le mizan. Amal'an, ils ont fait des dessins animés, des bandes dessinées sur la biographie du prophète Mohammed. Lakin, ils n'appuient pas pourquoi Nabi sallam il a fait les hijras. Pourquoi ils l'ont insulté? Pourquoi ils l'ont combattu? Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même il les a combattus? Ba'dhum il raconte Badr. Annahum, c'était une bataille magnifique ici, des choses, ils l'ont mis l'un en dessins animés. Hein. Pourquoi il y a eu Badr? Pose-toi la question. Pourquoi il y a eu des centaines de morts? La cause, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour des terres, c'est pas pour une accusation de dunya, c'est que pour At-Tawhid. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils appelaient At-Tawhid, ils ont refusé, ils l'ont chassé. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus parce qu'ils n'ont pas accepté le tawhid. Et il a eu le dessus, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est important. Kadhalik, le film qu'ils ont fait, Le Messager, c'est un film batil. C'est un film batil, il a été appuyé, il a été financé par Rawafid, par Shia. C'est pour ça qu'il ne donne aucun poids aux compagnons, à certains compagnons. Vous avez remarqué, il ne parle que de Ali, que de Hamza, radiyallahu anhum, mais il ne parle pas des autres. Oulan, c'est un film et les images c'est haram. Comment tu veux montrer la biographie du prophète sallam avec du haram? Naam, et kadhalik, ce film, jamais t'entendras parler de tawhid ou de mise en garde contre le shirk. Abadan. C'est pas comme ça que tu vas apprendre la biographie. La preuve, c'est que le film il est propagé, beaucoup de gens ils l'ont vu, mais beaucoup de gens ils comprennent rien de la biographie du prophète sallam. Ah oui, ils comprennent pas l'essentiel, le plus important. Apprends ton din de ses sources. Apprends pas ton din. Que ce soit des choses Rafida, ils ont fait Al-Shi'a ou Ahlul Fisq ou Al-Juhal. Là, reviens à Immatul Islam, ils vont t'expliquer la biographie du prophète. Depuis l'époque du prophète jusqu'à notre époque, Beaucoup de muslimoun, walhamdulillah, l'a'imma, ils ont expliqué la biographie sans ces films, sans ces bandes dessinées, sans ces dessins animés. Tout ça, c'est qu'une perte de temps. Wallahu al-musta'an. Qala, tarkuha wa ahluha wal bara'atu minha wa ahliha. C'est ça, la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala, Cheikh Abdel Aziz, thumma, ba'da mudda yasira, ja'ahu bil muddathir, ja'ahu ay Jibril. Jibril, il est redescendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après un certain temps avec les premiers versets de Al-Muddathir. Donc, la première révélation, les premiers versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçus, c'est le début de Surat Iqra. Il ne faut pas dire c'est Surat Iqra. Pardon, il dit c'est Iqra, Surat Iqra. Là, c'est que le début. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, les premiers versets, les cinq premiers versets. Thumma, il y a une coupure dans la révélation, thumma. Les premiers versets de Ya ayyuhal muddathir. Qala Cheikh Abdel Aziz fasara rasulan bi qawlihi Ya ayyuhal muddathir qum fa anzir. Allah subhanahu wa ta'ala il lui a ordonné de faire la da'wa. Qum fa anzir. Et préviens-les. Avertis-les. Annahum, ce qu'ils adorent, les statues. Ils adorent les morts, ils adorent les anges, ils adorent le soleil, ils adorent les pierres. Tout ça c'est mine shirk. Qala wal muddathir al multahif. Al-Muddathir, c'est celui qui est couvert. لأنه جاء بعدما جاء الوحي اشتد عليه الأمر وقال زملوني زملوني كما جاء في الحديث قال دثروني دثروني من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبريل عليه الصلاة والسلام مرة كما جاء في الحديث. أي quand il a reçu la révélation et Jibril il l'a serré fort, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a eu peur. C'est normal, et Anahu, c'est la première fois. Thumma, tellement qu'il a eu peur, il a eu froid, et il a demandé d'être couvert. Zammilouni, zammilouni. C'est pour ça que dans l'autre verset, Ya ayyuhal muzammil. Et dans celui-là, Ya ayyuhal muddathir. Thumma qara'a iqra, tamhidan li'a'ba al-risala wa azamatiha. Thumma qala Allahu ta'ala, qum fa'andhir, ay qum fa'andhir al-nas. Fasara rasoulan bi'amrihi bin-nadhara. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أَيْ عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ. C'est le fondement de l'islam. C'est pour ça que parmi la première chose, ben la première chose que Allah il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de montrer aux gens, la première chose dans le da'wa, قُمْ فَأَنْدِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Tout ça, des mises en garde contre shirk et des appels au tawhid. La première chose dans le da'wa, c'est هذا. Et notre exemple, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, il le délaisse, et nuit et jour, il parle des bons comportements. Il faut respecter l'autre. Hatta ils sont arrivés à un niveau, l'un, il faut être tolérant. C'est où, da'wat al-Nabi, alayhi salatu salam, elle est où? Qala, wa thiyabaka fatahhir, ay tahhir a'malaka ani shirk, li'anna tathhir al-malabis, kanahu ya akhata, na'am ya ya. Ghayr muradihi fi hadhi al-aya, tathhiru, na'am imak al-ha. لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت. Et ça c'est un tambih tayyib de Cheikh Ibn Baz. La salat elle n'était pas obligatoire. Donc al murad c'est pas wa thiyabaka fatahhir, ay pour faire al wudu, pour faire salat. La salat elle n'était pas obligatoire. Al ulama ils ont expliqué ce verset ay tahhir a'malak min ash-shirk. Appelle les gens à unifier Allah seul dans l'adoration. قال فال murad هنا الأعمال كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. استدلال طيب pour montrer أن اللباس ça peut être بمعنى الأعمال dans la langue arabe, les vêtements et les actes. C'est pour ça que Allah قال ولباس التقوى, le vêtement de la taqwa. Et on sait que la taqwa c'est pas un vêtement que tu vas mettre. لباس التقوى et les œuvres. تقوى qui est un عمل ذلك خير. قال فالعمل يسمى لباسا. قال والرجز فهجر قال فالرجز الأصنام وهجرها تركها. Ça c'est amrun min Allah, qu'on doit délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. والرجز فهجر قال وهجرها تركها. هجرها c'est le fait de délaisser هذا الشرك. قال والبراءة منها وأهلها كذلك البراءة. On a déjà expliqué البراءة, délaisser une chose et la détester. فنحن on déteste le shirk et on le délaisse, et on déteste ceux qui ne veulent pas le délaisser et qui l'appliquent. Al-Mushrikoun. قال شيخ الإسلام أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد. Donc pendant 10 ans, ce moment où Jibril il est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est devenu un nabi. Thumma, il est revenu une deuxième fois alayhi salam, Jibril, ya ayyuha al-muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir wa rujza fahjur amrun bid'awa ila tawhid, et mettre en garde contre le shirk. Cette période là pendant 10 ans, un nabi sallallahu alayhi wa sallam il appelle à hada. Ça nous montre en tant que musulmans que la base est, si on veut réformer l'Ummah, réformer les gens, appeler din al-haq, la première chose at-tawhid, est mettre en garde contre le shirk. Thumma, les étapes suivantes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad au Jamal au Yémen, Mu'ad ibn Jabal au Yémen, ou d'autres sahaba dans d'autres endroits, فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Première chose que tu les appelles, al-shahada. Et dans un autre riwaya, ayyuhidullah, qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est ça, da'watul anbiya wa rusul. Et c'est ça la chose la plus importante que tu vas retirer, tu vas profiter de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh al-Islam, il a écrit une risala tayyiba nafi'a, sittatu mawadi' min as-sira. 6 points de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces 6 points, c'est le troisième fondement. Il les a mis dans une risala à part et il a détaillé akthar et il a choisi 6 points. Le début de la révélation, la hijra, etc. Et c'est ça le but. Et walillah alhamd, on avait expliqué cette risala à l'ikhwan quand on était à Damaj et on la propage walillah alhamd. Qala akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila at-tawhid wa ba'da al-'ashr urija bihi ila as-sama. Donc 10 ans il a appelé au tawhid. Et après les 10 ans, il a été élevé fis sama al-mi'raj. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس. Donc l'obligation de faire le salat c'est venu 10 ans après tawhid. Ça montre أن الصلاه أيها المسلم, il faut qu'elle soit fondée sur tawhid. Amma faire le salat comme ils font certains et ils adorent des tombes, ils sacrifient pour les tombes. S'ils ont besoin de quelque chose, ils demandent à Sidi Foulain. Ils ont peur de Sidi Foulain. Tout ce qu'ils font, toute leur vie, c'est par rapport à Sidi Foulain. Même si tu lui demandes de jurer, maintenant c'est un menteur, tu lui demandes de jurer, tu sais qu'il ment. Sur Allah, il va jurer. Il va te dire, Wallah. Tout simplement, il n'a plus la crainte. Il n'adhomme plus Allah, Azzawajal. Wa rabbaka fakabbir. Si tu lui demandes de jurer sur le wali Sidi Foulain le mort, il ne peut pas. Il va jurer que s'il est véridique. Pourquoi? Parce qu'il a élevé ce mort au niveau de Rabb. C'est pour ça qu'il l'adore. Wal'iyadu billah. Donc, nous, en tant que musulmans, on appelle awalan les gens awalan à étudier tawhid, comprendre tawhid. Et tu fais salat. Ta salat, elle est fondée sur ce tawhid. Wa salla fi Mecca 3 sinin. Il a fait salat fi Mecca pendant 3 ans. Et de la 10e année, après la révélation, jusqu'à la 13e année, la 13e année, il a fait al-hijra alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est la première étape de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a vie après la révélation. Et sa vie en tant que prophète et messager. Et il a reçu la révélation 10 ans, il a appelé au tawhid et il a mis en garde contre shirk. C'est pour ça qu'il a eu tous les problèmes à Mecca. Ils n'ont pas fait des problèmes parce qu'il faisait salat au départ. Abadan, pendant 10 ans il n'a pas fait. Ils lui ont fait des problèmes par rapport à ça. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Est-ce qu'il veut qu'on adore qu'un ilah, qu'une divinité? Ils ont été étonnés, ils l'ont combattu. C'est pour ça qu'ils l'ont accusé de sahir, majnoun, etc. Et أنت أيها المسلم, si tu appliques cette da'wa, appliquer le tawhid, aimer le muahidin, mettre en garde contre le shirk, détester le mushrikin, tu seras éprouvé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé. Et l'épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est azam, c'est un nabi. Lakin, tu seras éprouvé par rapport à ton iman et par rapport à ta da'wa. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه أخذ على هذا الأمر 10 سنين. Aïe, appelé au tawhid. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 10 ans, il n'a plus appelé au tawhid. Là, ça veut dire que pendant les 10 premières années, il n'a appelé qu'à ça. Thumma, il a fait salat, il a appelé à zakat et toujours appelé au tawhid. Toute sa vie, alayhi salatu wa sallam. قال يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه والترك عبادة الأصنام والأوثان. نعم. حتى le nom de certains, le nom, النبي صلى الله عليه وسلم, tellement que sa da'wa elle était fondée sur le tawhid, بعضهم il s'appelait Abd Shams. Il se convertit à l'islam et il s'appelait Abd Shams. ou Abd Manaf, ou Abd Allat. Les Annahum, ils ont été, quand ils sont nés, leurs parents c'était des mouchriques, ils leur ont donné des noms par rapport à leurs idoles. An-Nabi, ça c'est la même chose. Ils changeaient leur nom, leur prénom. Abd Allat, Abdallah. Ou un autre Abd Shams, Abdurrahman. Ou hakada. C'est ça, da'wat al-anbiya. La tartar bil a'dal an. Ils disent des choses en apparence, c'est haq, lakin c'est pour combattre le haq. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les autres. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était le prophète de la miséricorde. C'est haq, hada. Lakin, parmi la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a mis en garde contre shirk. Pourquoi? Parce qu'il voulait du bien aux gens. Il sait que ce mouchrik, s'il meurt à la shirk, il va finir là. Enfin, ar-rahma, al-haqiqiyya, c'est de le mettre en garde. Amal-an, eux, ils appellent à la tolérance. Quelle tolérance et quel amour t'as envers cette personne? Il est à la bâtelle et tu l'aides. Comme ils font l'an. Al-mushrik, par exemple, عند الكافر, celui qui n'est pas musulman, qui adore les tons, pour eux, tu dois appliquer leurs principes, il est libre. La liberté, il a ses choix, il a la liberté de conviction. Est-ce qu'ils l'ont aidé? Abadan. Nous, là, on veut son bien. Et on sait, vu qu'on est des mu'minoun, on sait que s'il meurt, على هذا, il est على خطر. On lui montre et on met en garde. Et s'il ne veut pas, on le déteste. Et c'est une cause, si cette personne elle a un aql, et Allah il le wafaq, c'est une cause pour qu'il cherche la vérité. Pourquoi? Pourquoi il nous appelle au tawhid? Pourquoi il met en garde contre Shirk? Pourquoi il déteste notre situation? Comme minannas, ils ont fait des recherches, wa aslamu, dakhalu fil islam. Ils ont vu que la da'wa c'est une da'wa ukhri. La liberté, tu fais ce que tu veux. Le jour où tu es mort, Allah il t'est tout seul. Le jour où tu seras enterré, leur liberté, leur tolérance, elle te servira à rien. Munkar wa nakir, ils descendent, man rabbuk. Ta réponse, ça ne sera pas je suis libre ou il faut être tolérant. Man rabbuk. Tu ne réponds pas. Kama ja'a fil hadith. Al-adab. Ah, c'est ça l'insan. Fala ta'tar, la ta'tar. Wallahi, hada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kama dhakarna al-adillah. C'est une rahma. C'est une rahma. Al-rahma, ce n'est pas min ind al-kuffar. Abadan. Bal al-kuffar. Tout ce qu'ils font, c'est que pour que tu deviennes comme eux. Wallah. نعم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم لكن للأسف بعض المسلمين مساكين جهال اغتروا أكوز دعاة الضلال كم من الدعاة الآن يزابل أمي الكفار أ respecter الكفار أ être tolérant tout ça يحيانا يسيد des choses حق لكن c'est fondé sur le باطل appel au tawhid et met en garde contre الشرك et si ce muslim il connaît حق الله il connaît حق العباد. C'est ça la base. Si tu connais haqq Allah, les devoirs et les droits que tu as, et le droit que Allah il a sur toi, tu donneras le droit au ibad. Amma, tu l'appelles à donner que le droit au serviteur. Il ne connaît pas haqq Allah, il mélangera tout. Qala Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, wa ya'mur bi khul ibadati ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarq ibadati al-asnami wal-awthan, wa ya'muruhum an yakhussu Allah bil-ibada fi du'a'ihim, wa nadrihim, wa dhaba'ihihim, wa ghayra dhalik. نعم كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Ça c'est un verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu. قل أي يا محمد dis-leur إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ma salat, النسك, النسك c'est le fait de sacrifier, et toutes les autres ibadat, ta vie, ta mort, c'est pour Allah, la sharika lah. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui t'a créé. Pourquoi t'adorer une statue ou le soleil ou un mort? Il t'a pas créé, il t'a rien donné. C'est, ça vient tout d'Allah, Azza wa Jal. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Ça montre que l'ibada, c'est un haq lillahi, Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à hada. C'est un khayr. Et c'est une ni'ma. Walhamdulillah. Subhanak lahum hamdik shahadu wa la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.